Bon, maintenant, tu vas me répondre honnêtement, là, puis ça va être une question un peu indiscrète. C'est une question que tout le monde se pose, puis que le monde aimerait bien ça savoir. Comment ça se fait qu'ici, LMNOP est parti de Musique Plus? C'est dur de répondre à ça quand Musique Plus Toronto et Montréal ont payé la moitié de, du vidéo de Tailleul, puis ta vie, puis reste en vie, mais bon. Pour pas faire de chicane, Pierre Marchand, président de Musique Plus, m'a fait savoir par l'entremise de son bras droit que personne à Montréal écoutait du rap et puis que de ce fait, l'émission était cancellée, quoi qu'il y avait plus de show parce que personne n'écoutait l'émission. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, on pousse pas trop loin parce que je vais dire ce que je pense. Je suis assis, j'écris, ça, c'est de la bullshit, puis la vraie raison, c'est que... Penses-tu que tu vas faire un show un jour? Un show télévisé? Non, à moins que je puisse avoir une équipe pas ratée, une équipe loyale et honnête, comme une gang d'amis, quoi. Sur une chaîne de télévision cool, jeune, fresh, sans préjugés, surtout. Là, peut-être, parce qu'il y a une chose à faire à Montréal, mais les télés sont même trop connes. Leur poste, c'est toujours les mêmes affaires, c'est toujours le même clic, c'est toujours le même monde, c'est toujours les mêmes clips.